éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'une des femmes les plus emblématiques de l'histoire de Versailles, Marie-Antoinette. Elle naît à Vienne en 1755, c'est la 15e enfant de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. À 14 ans seulement, elle est mariée au dauphin de France, futur Louis XVI. Cette union n'est pas un choix personnel, elle scelle une alliance politique entre l'Autriche et la France. À un âge où aujourd'hui on entre au lycée, Marie-Antoinette doit déjà quitter son pays et sa famille pour rejoindre un royaume de France dont elle ignore la culture et dont elle ne parle pas la langue. En 1774, elle devient reine, elle a alors 19 ans. Elle découvre un royaume immense mais instable, une cour de Versailles où tout est codifié et observé. À chaque geste, chaque robe, chaque dépense, la jeune souveraine est scrutée. Pourtant, elle arrive à conquérir les cœurs des Français à Paris et à la cour de Versailles où elle brillait par sa grâce. Au moment de la mort de Louis XV, son règne semblait prometteur. Il n'en fut rien et en quelques années, elle devint l'un des personnages les plus haïs de France. Elle tenta en vain de reconquérir une opinion qui lui échappait, mais on la surnomme rapidement l'Autrichienne, un mot sonnant comme une insulte. Son goût pour la mode et les fêtes, typique d'une jeune femme de son temps, devient un symbole de frivolité dans un contexte de crise économique. La célèbre phrase « qu'il mange de la brioche » qu'on lui prête encore aujourd'hui n'a jamais été prononcée par elle. Pourtant, ce mythe s'installe et renforce l'image d'une reine insensible aux difficultés du peuple. En réalité, Marie-Antoinette n'a jamais eu de rôle décisif dans la politique financière du royaume. Elle n'a pas choisi les guerres, les réformes manquées, ni les mauvaises récoltes qui affaiblissent la France à la veille de la Révolution. Au fil des années, elle s'efforce de protéger ses enfants et tente, à sa mesure, de soutenir certaines réformes. Mais les tensions grandissent, la Révolution éclate, la monarchie s'effondre. Son mari est exécuté en janvier 1793. Accusée d'espionnage et de trahison, elle est jugée et condamnée. Le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette est guillotinée. Elle a 37 ans et est mère de 2 enfants. L'histoire a longtemps retenu d'elle une image d'une reine légère et dépensière. Pourtant, derrière cette image se dessine une réalité plus délicate, celle d'une jeune femme propulsée malgré elle au cœur d'un royaume en crise, devenue un bouc émissaire pour un peuple français en colère. Ses derniers mots furent « je ne l'ai pas fait exprès », qui semble résumer toute sa vie.